Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy 94.2. Yves est installé à la technique, Daniel en votre compagnie, pour vous présenter le patchwork numéro 33, l'écoute des musiques du monde. Ah, la programmation d'aujourd'hui comprend un voyage musical où on se demande bienvenue chez les ch'tis, avec des chansons du Nord, une évocation des villes du Nord. Un certain nombre de coups de chapeau aux chanteurs du Nord et le tout étoilé des tout nouveaux titres de Zouk antillais. Allez, Zouk, dernière nouveauté, T-Stone, un chanteur qui fait partie de ces artistes emblématiques en Guadeloupe, un Zouk décalé qui pourrait bien être la BO de vacances passées au bord de la mer, la carte du romantisme avec une touchante histoire d'amour, oh là là, T-Stone. She's drunk. Ou pas contre tous les autres gars, bad gal qui cache chez un bad boy pour mettre you en case. C'est seulement tes saves gal, tout genre moi j'ai cherché. C'est moi ça vous qu'a fait semblant. On est les mimiques à femme qui sortit de dom tom girl. Toutou laissez-moi y inviter au restaurant. Ça t'a fait ma plaisir tellement et tellement. À nous partager tout ça nous envie. Pour nous pouvoir vivre en belle love. Et si jamais où on vit, moi je te donnerai le love. Je te donnerai du love. Je te donnerai du love. Je te donnerai du love. Je te donnerai du love. Le Nord est le département français comprenant les territoires les plus septentrionaux de la France. Il est constitué de la Flandre française, avec Dunkerque, Lille, Douai, puis du Cambrésis, de l'Avesnois et de l'ancien comté du Hainaut avec Valenciennes. Population du département, 2 700 000 habitants, dont la métropole lilloise qui abrite plus de la moitié de la population. Les grandes villes, c'est Lille, 230 000 habitants, Roubaix 100 000, Tourcoing 95 000, Dunkerque 70 000, Villeneuve-d'Ascq 60 000, Valenciennes et Douai 42 000. Voilà. Le Nord est limitrophe de la Belgique et des départements du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de la Somme. Bordé par la mer du Nord, il est traversé par l'Isère. Ah oui, non, pas l'Isère du département 38. L'Isère qui s'écrit avec un Y, S-E-R. Alors, autres fleuves, la Lys, l'Escaut, la Scarpe et la Sambre. Et puis, à Lille, c'est le canal de la Deule. Ah oui, on prononce comme ça. C'est un département avec une population jeune, abritant plusieurs universités, dont le pôle universitaire de Lille, qui est le troisième de France. Et puis, et ça c'est bien vrai, les gens du Nord ont dans leur cœur tout le bleu qui manque à leur soleil, les tomates Edmond Tanière. C'est un pauvre garçon, il s'appelle Edmond, il est au décoron du côté de Fouquet. Il y en a beau assez, après ses journées, d'aller travailler dans le garde à Saint-Père. Pour s'en échapper, il se dit je vais me marier, j'ai été vite fait, il est au pavillon. Allez, taux pélote, un petit peu lolote, mais pour la popote, elle n'y connaît choria. Il mangeau des tomates. Et le pauvre garçon, il s'en vaut bien. Il est donc marqué par le destin. Mais il se dit oh, pour se faire une raison. J'aurais pu être la saison des melons. Chadevaux arrivé. Il a tout plaqué, il s'en est allé pour trouver le bonheur. Chez un carpentrin, qu'un jour il trouva, qu'est-ce qui est au pas, sa métier de mineur. Dans chez pays-là, un réclame des bras, faut dire que je sais pas, le boulot qu'il est dû. Du matin au soir, comme un vrai bagnard, il est au-dessus de trimère, il n'a pour vos plus. Il porte des tomates. Et le pauvre garçon, il s'avoue bien. Il est donc marqué par le destin. Mais il se dit oh, pour se faire un raison. J'aurais pu être la saison des melons. Il avoue ma foi. Un bio filet de bois, alors c'est pour ça qu'il voulut compter. Il a pris des canchons, sur le snaccordéon, les micro-sillons, chalfeuse au rêvé. Iveo déjà, Paris l'Olympia, Raplat, Jean Sultan, Johnny Hallyday. Mais le jour qui compta, t'as le vieux cinéma, alors y arriva ce qui devait arriver. Il pleuvait des tomates. Et le pauvre garçon, il savait bien, il est donc marqué par le destin. Mais les ciseaux pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons. À toutes les misères, il a eu sur terre, y a pas pu s'y faire, y a pas résisté. Et chez ta fouquière, tout près de sa grand-père, t'as le vieux cimetière qu'il est atterré. Chez par amitié, l'autre jour à la semaine, des belles choses pensées, il les aime autant. Quand un y est retourné, de trop mots après, on est tous restés comme de ronflants. Il pousse des tomates. Et le pauvre garçon, il s'avoue bien. Il est donc marqué par le destin. Mais à ciseaux pour se faire une raison, j'aurais pu être la saison des melons. Premier coup de chapeau à Lynn Renaud. Lynn Renaud est née en 1928 à Armentières. Chanteuse, meneuse de revue et actrice française, veuve du compositeur Louis Gastet, une carrière exceptionnelle et elle est toujours dans l'actualité. 1928-2019, si je compte bien, ça fait 91 ans. Une étoile sur le Las Vegas Walk of Stars et une rue à son nom à Las Vegas. Présidente du jury de l'élection de Miss France en 2009 et en 2018. citoyenne d'honneur du Nevada en 2019 et prix de la femme la plus optimiste de France, grand officier de la Légion d'honneur, grand croix de l'Ordre national du mérite et commandeur de l'Ordre des arts et lettres. Une chanson composée par Louis Gastet en 1952, « Ma petite folie, Lynn Renault ». Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. C'est toi ma petite folie, toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Un garçon curieux, j'ai bien dû m'y faire, car tu m'as mis la tête à l'envers et tout est merveilleux. C'est toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. J'ai perdu mon vieux défaut de trouver bizarre que tu te lèves à minuit et quart pour accorder le piano. Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Quel cadeau du jour de l'an penses-tu me faire? Vas-tu m'offrir un hélicoptère ou un éléphant blanc? Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Reçois tes copains, ils demandent sans malice si le dîner a lieu dans l'office ou dans la salle de bain. Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Mais je t'aime à la folie. Savoir que nos désirs sont de ceux que l'on ravive sous d'autres cieux. Mais quelle idée ! Non mais ça va pas ! Dunkerque ! Sous la pluie de novembre ! Allez, Dunkerque, Jean-Marc Sauvanargue. Notre amour bat de l'aile, peut-être même des deux. Et cette question essentielle qui se résume un peu, savoir si notre histoire est de celles qui font de les statues les plus belles. Tu disais retrouver la ferveur, la folie, le sel d'autrefois. Et dans nos yeux, les étincelles, les promenons-nous dans les mois. Savoir que nos désirs sont de ceux que l'on ravive sous d'autres cieux. Mais quelle idée d'un cœur sous la pluie de novembre. Tout bien pesé, l'averse n'en est pas moins cinglante. Je garderai longtemps le souvenir des bords de mer et de ces pas perdus là-bas sur le débarcadère. Les sentiers dans les dunes, les cerfs volants, les cabanes, les embruns, le parc du vent, en automne, terminus, Malo, les vins. Soyons honnêtes, tout cela n'est guère propice pour qui voudrait sauver l'amour, garder la flamme, malgré le gris, les vagues, les larmes qui nous font comme une érosion. Et si le cœur a ses raisons, c'est pas en changeant de décor que l'on change le plomb en or. Et si on traîne au cœur ailleurs, est-ce qu'ailleurs serait meilleur? Mais quelle idée d'un cœur sous la pluie de novembre, tout bien pesé, l'averse n'en est pas moins cinglant. Je garderai longtemps le souvenir des bords de mer et de ce temps perdu là-bas aux portes de l'hiver. Mais qui est-ce qui a dit qu'il pleuvait toujours dans le Nord? Mais c'est pas vrai. Il y a même des fois où il fait beau plusieurs fois par jour. Allez, un zouk de 2018 à savourer et à partager sans modération. Tu t'éloignes, Maoz et Talina. Je n'ai pas su faire ce qu'il faut. Que faire? Que voir? Que visiter dans le département du Nord? Le Nord! À Lille, se promener le nez au vent sur la Grande Place ou dans le Vieux Lille, en levant la tête pour admirer les magnifiques immeubles de style flamboyant. Et puis, tendre l'oreille, quand le carillon du beffroi de la chambre de commerce, près de la place du théâtre, égrène toutes les heures le célèbre petit quinquin. Et puis il y a aussi l'hôtel Hilton, cher à M. Dominique Strauss-Kahn, et à Dodo la Saumure, ben, il est tout proche. Et puis ne pas oublier le dimanche matin d'aller faire un tour au marché de Vazem, riche, coloré et surtout authentique. Et puis découvrir la piscine, le musée d'art et d'industrie de Roubaix, louer une barque pour faire le tour des fortifications de Gravelines, grimper au sommet du beffroi de Douai, visiter l'impressionnante collection Matisse au Cateau-Cambrésis, visiter une brasserie artisanale, participer au carnaval de Dunkerque, ainsi qu'à la fameuse braderie de Lille, et puis si ça ne vous suffit pas, eh bien vous pouvez toujours essayer de monter tout en haut de Stéril Renault. D'un chez Coron, cœur me ménache. Chez mineurs viennent d'avoir le congé. Prennent le valise et partent voyager. À la campagne, ouvrir le parenté. Mais comme elles autres, je prends mes bagages. Et je m'en vas, mais je quitte point ma patelin. Je vaux du pays, de la manière que je m'y prends. Sans débourser un sou de train. Et je passe mes vacances tout en haut de Stéril. J'ai tout dit de la chance, je t'ai raillé, jamais pris. Je monte une toile de tente, je vis tout seul et je m'arrange. Et je siffle, je ris et je cante, et je suis heureux de faire du campinche. Je me fais la popote, je vis bien mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, j'aime croire à Chambéry. Mais je ne suis qu'au fait tout en haut de Stéril. Comme point de vue fauve, vierge que je dégote, les beaux, les prairies des environs, chez village, chez ville, nos corons. Et je mange le lin, ça ne me coûte pas un rond. Sur ma feu de beau, je fais tout gargote. Viande, ox, pommes, tiers, frites, morceaux de lard. Et j'ai monté, tranche un clito de pinard. Je suis chez un père pénard. Et je passe mes vacances tout en haut de Stéril. J'ai tout dit de la chance de vierge que je vaux chez ta mie. Quand t'arrives le soir et je vaux venir d'amoureux, ils attendent qu'il fèche noir, mais mie je ne les quitte pas les yeux. Ils vont s'enlaçant, stigeant des balivernes, tout en s'embrassant d'un chez blé, d'un chez luzerne. Ils se font les papoules, un s'appelant un chéri. Et mis je vous touche à tout un haut de Stéril. Mais avant-hier, je n'ai point eu de chance. D'un seul couple là qui se met à pleuvoir. Je rentre à l'abri sous ma perchoir. Elle me tente à le pichot, je t'opire qu'un arrosoir. Alors j'ai poussé la romance, j'ai sorti pour m'éviter le cafard, et j'ai flûté Shang-Chi de pinard, un verre au camp comme un pochard, j'allais gringoler tout un bas de Stéril. Arrivé au pied, je me suis relevé, tout meurtri. Je sais plus quoi que j'ai fait, j'avais tellement une cuite. À la plage de Mbarrette, j'avais une petite chaudron à frites. À forcher de bourrelet, me pencher sur des cailloux. Il y a une certaine plage, il m'a manqué un morceau. J'y ai mis un bout de loc, je suis pour près d'être guéri. Et je suis remonté tout en haut de Stéril. Alors, pas d'un trintin, le mineur campeur, il ne quitte pour Saint-Chertéry. Même pensionné, il y va comme au passé. Seulement, aujourd'hui, il est malade. Elle faut, ça l'a usé. Il est dans son lit, et les larmes aux yeux, un ravisant à travers Escarreau. Il dit tout bas. comme ça va vite, comme le temps passe. Aux terriges à camper bonnes années, acheteur il faut l'abandonner. Je ne suis plus qu'un vieux mineur passionné, et je n'ai plus que des jauges d'âme carcasse. Je suis vieilli, mes gambes sont ramollies, et de le faire niette un état d'amali. En ravisant, je dis c'est fini, je montrerai plus jamais tout un haut de j'terris. Fini désormais, le médecin je l'ai ben compris. Par 40 ans de fond, mes poumons y ont qu'il cause. Une poussière de carbon, un appel chat, la silicose. J'ai béton un tour et de partir comme tant de vieux. De faire un long séjour là auprès du bon Dieu. J'espère qu'il me lèchera quand je serai au paradis. Quand venir en vacances tout un haut de ma terrie. J'espère qu'il me lèchera quand je serai au paradis. Quand venir en vacances tout un haut de ma terrie. Deuxième coup de chapeau. Raoul de Godeverswald. Oh punaise, je l'ai dit du premier coup, dit. Allez, je le recommence, c'est tellement beau. Raoul de Godeverswald, photographe et chanteur français, est né à Lille en 1928. Bah, c'est un conscrit, Aline Renault. Et avec une voix grave et rocailleuse, due peut-être à une laryngite de comptoir, il se disait plus photographe que chanteur. Et c'est Jean-Claude Darnal qui lui écrivit une chanson, la plus célèbre d'ailleurs, « Quand la mer monte », dans laquelle il évoque la vie d'un marin pêcheur. Et après son décès, alors un géant, les géants c'est des grands personnages, des grosses têtes et des grands corps qui défilent dans toutes les professions du Nord. Et bien un géant fut créé à Lille, à son effigie, et participe depuis à toutes les professions. « Quand la mer monte », Raoul de Godeverswald. Tout près du Cap Griné, quand j'ai fini de pêcher, on se retrouve chez Léonce, en Léonce. On mesure les poissons en vidant des canons, et l'on passe vite le cap car ça tape. Bientôt plus de Cap Griné, encore moins de Cap Blandé, ce qu'on voit c'est nos nez tous. Quand les verres que je lève ôtent le sel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie. Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. À marée basse, elle est partie, hélas. Je quitte l'estaminet et je regarde en rêvant le rayon. De côté de la mer, les collines d'Angleterre montrent que le monde par ici est tout petit. Et à gorge déployée sur le flot déchaîné, je l'appelle à grand cri, viens Marie. Calame au limon, pour pêcher que c'est le bon temps, mon filet me la rendra dans mes bras. Dans la chanson suivante, des paroles charmantes qui reflètent bien le vieux Lille. Et même la rue Faidherbe y est évoquée. Sous la pluie ou sous le soleil, Lille a son charme. Balade à Lille. C'est un jour qui ressemble à dimanche. Avril a des allures de juillet. Le ciel clair du nord de la France illumine la vieille cité. sous la déesse, les passants défilent. Un soleil d'or veut les réchauffer. Sous leurs pieds, quelques pavés tranquilles restent témoins des siècles passés. À l'abri, à côté de la grande place, sous l'arcade et les riches trumeaux, les marchands, la vieille bourse ont fait place aux bouquinistes et danseurs de tango. Plus haut, coincé dans un pan de mur, quelques vieux boulets ont la vie dure. Ils nous comptent les combats du passé, point de suspension d'éternité. Près du beffroi qui carillonne, son voisin l'opéra impressionne. Les muses de son fronton nous sourient, elles chantent pour Léon Trulin la nuit. Au bout de la rue fait d'herbe animée, la vieille gare possède un secret. Elle garde en mémoire dans ses pierres qu'elle était Paris Nord naguère. Suivez le guide, suivez le bras d'or, vers le vieux Lille aux mille trésors. Qu'elle soit basse ou bien grande chaussée, les rues et ruelles sauront vous guider. Vers la Treille et ses gargouilles étranges, la rue de Gand où l'on boit, où l'on mange, Esquermoise et ses plaisirs sucrés, place du concert et son dimanche marché. Étroite, vers la rue des vieux murs on se perd, rue Coqueret où le pas s'emboîte, vers les pavés du pharaon de Winter. Sur le chemin de la citadelle, il est un secret, une venelle, où le temps a caché ses aiguilles, c'est le passage des trois anguilles. Ici souvent le ciel est si bas qu'on peut le toucher du haut des beffrois. Mais qu'importe que le temps soit gris, l'île brille sous son manteau de pluie. Qu'elle soit soleil ou en mitouflé, ma balade à l'île va vous combler. J'aimais vous l'improviser à votre tour d'y succomber. C'était chanté par Christophe Avril. Alors, pour suivre, une chanson à composer dans l'urgence. Parce qu'il devait remettre un nouveau disque finalisé à la société de production, Pierre Bachelet prit conscience qu'il manquait un titre pour finir le disque. Un gros problème. Et c'est en échangeant avec son parolier Jean-Pierre Lang qu'ils se rendirent compte qu'ils possédaient des souvenirs communs sur le Nord et les mineurs de fond. Alors la chanson fut aussitôt écrite et composée et il ne fallut que 2 jours pour se faire un record et quel succès, les corons Pierre Bachelet et les supporters du RC Lens. Thank you.

1914, l'armée britannique s'installait à Armentières, à 2 km du front. Et Armentières, à l'époque, comptait 211 estaminets. Marie Lecoq était alors serveuse dans un de ces établissements où les Tommies aimaient à se détendre. Et Marie devint Mademoiselle From Armentières à cause d'un incident. Un jour, elle gifla un soldat, nanti d'une main un peu trop baladeuse à son goût. Et un officier assistait à la scène et s'en inspira pour écrire la chanson « La légende de Mademoiselle From Armentières ». Revisitée plus tard par Louis Gastet, cette chanson fut alors reprise par Lynn Renault et devint une chanson phare de son répertoire. Alors attention, collector, la version proposée aujourd'hui était interprétée par les Miss France originaires des Hauts-de-France. On trouve là Élodie Gossoin, Camille Serf, Maëva Cook, Rachel Legrain-Trapini et Iris Mittenaert. Mademoiselle From Armentières, les Miss France. Un joli sourire de France des fossettes joues, des cheveux tout fous, des yeux bleus très doux. Sur son berceau de sa naissance, une bonne fée d'un coup de baguette avait changé sa destinée. Mademoiselle From Armentières, parlez-vous. Mademoiselle From Armentières, parlez-vous. Elle n'avait pas encore parlé qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle From Armentières. Puis mal à jeu d'être écolière, d'apprendre à compter, d'apprendre à parler, ça, ça l'ennuyait. Mais faire l'école buissonnière, ça, ça l'abusait. Toujours gai comme un pinson, elle chantait sa chanson. Mademoiselle From Armentières, parlez-vous. Mademoiselle From Armentières, parlez-vous. Elle n'avait pas encore parlé, qu'elle savait déjà chanter. Mademoiselle From Armentières. Mais au matin, ce fut la guerre et tous les soldats qui passaient par là se disaient tout bas, la voyant si belle et si fière, à quoi serait bien blottie dans ses bras du lieutenant jusqu'au matin. Mademoiselle From Armentières, never been kissed for 40 years. Inky dinky, parlez-vous. En trois comptes cette histoire dans tous les pays. Les bouffes du Nord, vous connaissez. Mais la bouffe du Nord, attention, on vous prévient, la cuisine du Nord n'est pas faite pour les excités des régimes qui comptent les calories de leur tranche de pain. Au programme de la convivialité, beaucoup de fromage, des frites et de la bière. Alors la flamiche au poireau, ça tout le monde connaît. Et puis la flamiche au maroilles, une pâte levée avec beaucoup de maroilles dessus, ah, oui, on lésine pas. Un jaune d'œuf, de la crème fraîche, on passe tout ça au four et le tour est joué. Le Welsh, une tranche de pain demi-grillé, recouverte de jambon, que l'on tapisse d'un mélange de bière et de cheddar fondu. La fricadelle, enfin ça c'est le casse-croûte du Nord. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, et puis on ne veut même pas le savoir. Enfin c'est très bon. Le hoche-pot, ben ça c'est le pot-au-feu. La carmonade flamande, c'est la cousine du bœuf bourguignon. Sauf que la bière remplace le vin et qu'on y rajoute parfois du pain d'épices. Le coq à la bière, ben ça remplace le coq au vin. Les chicons en gratin, ben oui, les chicons, ce sont les endives dans le Nord. C'est les endives au jambon. Ah, les moules frites, allez, le plat emblématique de la braderie Lille. Et chaque année, plus de 400 tonnes y sont consommées. Et puis le poch welsh, des morceaux de viande de poule, de lapin, de porc et de veau, froid, pris dans de la gelée. Le lapin au pruneau, revenu dans l'oignon et cuit au vin rouge, avec thym et laurier sur un lit de pruneau. La tarte au sucre, prononcée tarte au sucre. Une pâte levée, du beurre, de la crème et du sucre. Le craquelin, pain sucré, plein de pépites de sucre. La gaufre, ah la gaufre beurre fourrée au beurre et à la cassonade, ou alors tout simplement la gaufre de la Ducasse, la gaufre à gros trou. La gaufre à gros trou, pas facile à dire. Le maroilles, ben c'est le cousin du Munster. La boulette d'Avanne, attention, c'est fait pour les initiés. Hein. Pâte de maroilles enrichie à l'estragon. Le vieux Lille, le fromage qui pue. Les bêtises de Cambrai, un petit coussin rectangulaire aromatisé de rayé de sucre caramélisé et pour différents parfums. La menthe, la pomme verte, l'orange, le citron, praliné, framboise, vanille et tutti frutti. Et puis, pour conclure cette émission, la chanson que vous attendez tous, une chanson écrite par le poète lillois Alexandre Desrousseaux en 1853, une berceuse écrite en patois et qui illustre la vie intime des ouvrières du 19e siècle, la Marseillaise du Nord, le petit quinquin, par les petits chanteurs à la croix de bois. C'est ainsi que s'achève Patchwork à l'écoute des musiques du monde. C'était le numéro 33. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous savez que vous pourrez durant toute la semaine retrouver le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette Nancy, WordPress. Le prochain patchwork, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, nous vous espérons fidèles et nombreux à la cerise sur le canto. En attendant, ben, soyez branchés et heureux à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2. C'est pour les Lorrains. Et sur le net, fagette.net, en ligne pour les autres Européens. Bon, on va vous laisser avec Thierry pour sa émission discothèque classique. Et puis, Yves, on a encore un peu de temps. Allez, on envoie un dernier disque, un dernier Renaud. Ibo and me, Renaud. L'autre jour, ma bio-frère, il s'amène à la maison. Il me dit comme chat Marcel, dit qu'il a jamais sorti. Et demain je vais à Paris, si t'es veux venir, viens avec moi. Ben c'est que j'ai tout compte un mi qui ne sont jamais sorti. Plus loin que ma patelin, enfin j'allons vire Paris. Un visitera tout chez musée, pareil que chez bio à vire. Lendemain ouvre la partie, main bio frère et me sœur Pimi. Au sommes arrivés, sous le coup de 10h30. Et le premier truc à faire, il me dit, c'est d'aller boire un demi. Car pour un ch'timi, ce qui compte, c'est un demi. Quand un ch'timi est sorti, quoi qu'il vaut, à vous avis, il vaut un demi. Il vaut un demi. Quand un ch'timi est un hache, pour s'ardonner du courage, il vaut un demi. Il vaut un demi. Et puis le jour est cher à mal, pour sa honte et sa morale, il vaut un demi. Ibo un demi, un pression, un jus doublon, quand chamousse chez tout dit bon, Ibo un demi, Ibo un demi. D'un premier café, au sommet rentré, un homme à noir et blanc, il s'amène sous nous, et il nous dit comme chat, pour ces messieurs dames, qu'est-ce que ce sera? Et ben mancholoute, t'es va nous mettre au demi. Il me ravise d'un drôle d'œil, il n'a vous rien compris. 36 coups j'ai dû dire que ce qu'un volo j'ai trop de mi. Car pour un ch'timi, ce qui compte c'est un demi. Quand un ch'timi est sorti, moi qui vaut à vos avis, qui vaut un demi, qui vaut un demi. Quand un ch'timi est un hache, pour s'ardonner du courage, qui vaut un demi, qui vaut un demi. Et puis le jour est que ça va mal, pour sa montée, sa morale, il vaut un demi, il vaut un demi. Une pression, un jus doublon, quand chamousse, j'ai tout dit bon, il vaut un demi, il vaut un demi. Quand un ch'timi est sorti, quoi qu'il vaut, à vous avis, il vaut un demi, il vaut un demi. Quand un ch'timi est un hache, pour s'ardonner du courage, il vaut un demi, il vaut un demi. Et puis le jour est chara mal, pour sa montée, sa morale, Ibo un demi, Ibo un demi. Une pression, un genou blanc, quand chamousse, j'ai tout dit bon, Ibo un demi, Ibo un demi. Une pression, un genou blanc, quand chamousse, j'ai tout dit bon,